Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, je souris au gardien. Ego, y'a mon clé dans l'arène. S'ils sont retournés comme papin. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'négocie le taromate. Tes rappeurs, c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Toute ma vie, j'l'ai ramé dans les ténèbres. J'me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Peu demandant, mais l'état m'envoie tes lettres. Mougli n'aime pas qu'on lui dise tes célèbres. Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. Né, pas honte de la remettre, c'est pété, moi t'as pissonné. Né, dans la jungle, je suis sauvage, un gros âge pour m'isoler. Le grosse tasse qui déboule sur mon arbre, je les prends en le. J'tacle à la gorge comme un pipi, elle est loin la pum pum. Dis à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes pélèques au cas où ça tire. J'ouvre le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le ti. J'suis de l'époque là, c'est gars, j'm'entraîne à frapper comme ça gâte. Rico rico, j'débarque, pum pum, ratatata. Fais gaffe, faut hep, c'est pas patatata. J'connais millions, mais j'chante toujours pas, la la la la. Entre nous, programmés, et même pas, font semblant. C'est chelou, j'suis armé, cœur de pierre, abonné. J'suis Mowgli, j'suis Simba, animal, ça s'entend. M, dans leur mère, tu connais. Da, bas les couilles pour eux, j'suis Nta. Da, bas les couilles, c'est pété même pas. Pas. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. Faut que je me dirige vers la mer. Mais bon, je suis de la pire espèce. Avant, j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. Gars. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Pas faire rom, pom, pom, pom. Hello, hola. Tes lèvres ne me font plus penser. Hello, hola. Mes rêves ne me font plus bander. J'ai sorti une arme dans le respect. La patience, le temps pas testé. Gratte pas d'amitié, pas de nouveaux amis. Pas d'amitié, pas de nouveaux amis. On enverra Mowgli chercher mes tailles. Je retourne la visite de l'Africa. Tout est possible, je fais oser, tout devient réel. Elle aime les voyous, je ne suis pas non, cherche mec immortel. Poutard épluche mon cœur. Ton putain de futur au bout d'une chaîne. Ne m'attends pas, attends pas, ou cache ta vie dans mes bras. Petit ange qu'elle est séduisante, la couronne à Simba. Da, bas les couilles pour Juenta. Da, bas les couilles, c'est pété même pas. Pas. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. Pas. Mon dieu, faut que je me dirige vers la mer. Mais bon, je suis de la pire espèce. Avant j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Gars. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Pas faire rom, pom, pom, pom. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse.